Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale Caprice de lecture parce que nous allons la dédier au Salon du Livre de Saint-Nicolas-de-Port qui va se dérouler le 5 février à la MJC de Saint-Nicolas de 10h à 18h. Mais mon invitée, Catherine Froment, bonjour Catherine. Bonjour. Sera la plus à même pour vous en parler parce qu'elle est en charge de l'organisation de ce salon et de la communication au sein de la MJC. Alors Catherine, c'est la 9e saison du Salon du Livre de Saint-Nicolas-de-Port. Comment a démarré cette aventure ? Alors 9e édition, mais en fait le salon va fêter presque ses 10 ans, puisqu'en fait la première édition est 2013. Bon, avec le Covid, on a été un petit peu perturbés. Au départ, la MJC faisait un marché plutôt des vieux papiers du livre d'occasion. D'accord. Et les années passant, il y avait de plus en plus de demandes d'auteurs qui publiaient du livre neuf, d'éditeurs. Et en fait, ça s'est scindé en deux salons, avec un salon du livre et notre présidente de l'époque, Claudine Riboulot, que je salue, avec Corinne, qui avait mon poste précédemment, ont monté à L2 ce salon du livre et j'ai eu la chance de récupérer le bébé l'année d'après, en 2014, pour la seconde édition. D'accord, donc en plus c'est un salon qui a évolué dans le temps. Oui, oui, oui. Donc ça c'est super. Alors, il y aura plus de 60 auteurs, des éditeurs, des libraires. En fait, on aura plein d'acteurs des métiers du livre. Donc comment ça s'organise tout ça ? Parce que c'est du monde. Est-ce que vous avez des auteurs fidèles qui tous les ans sont là ? Est-ce que vous allez en chercher des nouveaux qui gagnent à être connus ou qui seront aimés du public qui viendra ? Là, on serait un peu dans les coulisses de la préparation. Alors les coulisses, on a les deux. On a des auteurs qui viennent régulièrement, mais on met un point d'honneur à ce qu'ils reviennent avec des nouveautés. Le but, c'est pas de présenter pendant 10 ans les mêmes auteurs qui présentent les mêmes livres. Oui. Tous les ans, je reçois beaucoup de mails d'auteurs qu'on ne connaît pas forcément, qui demandent à recevoir le dossier de candidature. D'accord. Et tous les ans, on a plus de candidatures. Donc voilà, pour faire cette sélection, par exemple, de cette année, c'était 85 dossiers de candidature pour seulement 65 emplacements. Ah oui. Un comité de sélection de 3 heures avec, moi mis à part, que des bénévoles qui allaient de 13 ans pour notre plus jeune bénévole Marion jusqu'à Claudine qui était la créatrice du salon. D'accord. Dont je ne dirai pas l'âge puisque je veux rester en vie. Mais voilà, on n'est pas loin du... Pour les plus anciennes, on approche des 80 ans. Donc 13 ans, 80 ans pour le comité de sélection, pour un salon généraliste. Mais c'est un mix super, en fait. Oui, oui, oui. En plus, cette année, on a eu la chance d'accueillir la vice-présidente de la MJC de Dombasle, de nos voisins, qui adore lire. Donc voilà, on essaye en plus de varier tous les ans. Donc, et super. De prendre des gens vraiment qui aiment lire et des choses très différentes. Donc ça fait un comité très riche. Et du coup, un niveau de satisfaction de votre public que je vous souhaite optimal, en fait. Pour le moment, ça marche, on va croiser les doigts, c'est un redémarrage après quelques années difficiles et un salon virtuel. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a un thème particulier cette année du salon ? Alors, on a longtemps eu des thèmes. Le dernier, en 2020, c'était un thème un peu particulier puisque c'était un thème sur Simon Moïsès. Simon Moïsès, c'est le bâtisseur qui a fait naître la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Il y avait D'accord. un anniversaire, on travaillait avec une autre association de Saint-Nicolas-de-Port. Cette année, pas de thème, mais depuis 10 ans, on se rend compte qu'il y a deux courants qui sont plébiscités à Saint-Nicolas. C'est le livre enfance. On consacre beaucoup d'espace et de temps aux enfants. Et le livre d'histoire régionale. Donc, on a choisi un invité d'honneur enfance, Sylvie de Matfissieul, et un invité de Kevin Guriot, qui est professeur d'histoire géo en Moselle et qui est un passionné d'histoire et qui écrit des livres, presque de... À la fois, c'est de la vulgarisation et en même temps, ces livres vous apprennent plein de choses. Il a une bibliographie énorme. Énorme. Oui. Moi, je découvrais en préparant l'émission et c'est très impressionnant. Oui, en même temps, c'est très abordable parce qu'il fait toujours des relations, des rapports avec des choses que Messin ou Nancéen, on voit dans notre quotidien, dans l'architecture. Et il vulgarise peut-être un petit peu cette connaissance à avoir, qui est beaucoup plus abordable que des érudits, on va dire, de la matière, ou peut-être que pour nous qui sommes peut-être moins érudits, ce serait pas... Oui, puis voilà, je pense qu'on sent aussi qu'il a l'habitude, qu'il a un public de collégiens tous les jours et il sait vraiment bien vulgariser. Ça va faire un beau mix. Hein. Oui, bah surtout que Sylvie aime beaucoup l'histoire et d'ailleurs, quelques livres qu'elle présente viennent de la collection Larousse Secret d'Histoire Junior. C'est un peu la déclinaison du secret d'histoire que les gens connaissent de Stéphane Bern, mais voilà, en livre pour enfants. Donc elle aussi est très, très histoire et histoire locale puisqu'elle est strasbourgeoise. C'est le côté alsacien de la région, enfin de la nouvelle région. D'accord. Et elle vient avec deux livres, alors Un nazi habite chez moi et Le retour du soldat malgré lui. Okay. Et Un nazi habite chez moi, on a fait naître un petit partenariat avec une école de Saint-Nicolas-de-Port et après une école de Varangéville où les enfants de classe de CM2 l'étudient en ce moment en classe et ils vont échanger en visio avec Sylvie. Donc super. Voilà. Bah pour leur montrer que c'est voilà, derrière les livres qu'ils ont, il y a quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'à l'âge-là, quelquefois, malheureusement, ils décrochent la lecture à l'entrée de l'adolescence. Ils y reviennent bien plus tard, mais c'est un gros souci. En fait, ils décrochent complètement. C'est dommage. Bon, mais là, toujours qu'un enfant qui lit, c'est un adulte qui restera lecteur et c'est aussi le but du salon. Exactement. Alors justement, pour en revenir au salon, est-ce qu'il y aura quelques temps forts que vous pouvez nous dévoiler pendant ce salon, cette belle journée? Alors, Sylvie et Kevin seront là toute la journée pour dédicacer leurs ouvrages. C'est à peu près, si je ne dis pas de bêtises, une soixantaine d'auteurs. On doit avoir 7 maisons d'édition, 5 associations locales. Marc, notre partenaire libraire de Dombasle. Oui. Et tout le monde me met un nombre indicatif. Je dois être à plus de 335 ouvrages présentés jour-là. Donc voilà, il y a tout l'espace rencontre et dédicace sur une journée. Voilà. Ouais. De 10h à midi, dans une des salles au calme du rez-de-chaussée, on a une édition spéciale du cercle de lecture de la MJC. Puisque c'est une activité régulière de la MJC, tous les mois, il y a un cercle de lecture. Donc d'habitude, ils ont un programme, ils choisissent un livre, un des membres présente le livre et ils en débattent, ils échangent autour. Et là, en fait, ils ont choisi un livre d'une participante du salon qui s'appelle Muriel Ravol, qui est d'Épinal et qui a écrit Vice Versa. Mais en fait, c'est l'histoire d'un étudiant qui vit une expérience de mort imminente. Et en fait, quand il se réveille, il est dans la peau d'une jeune fille bourgeoise au 19e siècle. D'accord. Donc voilà, de 10h à midi, ils recevront Muriel Ravol pour leur cercle de lecture. Et c'est ouvert à tous les gens qui ne sont pas d'habitude adhérents du cercle de lecture. D'accord. Donc les gens peuvent venir dès 10h à la salle des fêtes de Saint-Nicolas-de-Port au Salon du Livre. Ils pourront participer à ce cercle de lecture, même s'ils n'ont pas lu le livre de Muriel Ravol en amont. Et super. Puis, dans cette même salle, tout au cours de l'après-midi, on va avoir ce qui s'appelle des lectures bruitées. C'est fait par Myriam du Truc à son. Et en fait, c'est un peu comme le bruitage des dessins animés. Donc, elle va prendre des extraits de livres d'auteurs présents, des livres enfance, mais aussi des livres adultes. Et alors, selon les cas, toute seule ou avec l'auteur, l'un lit et elle bruite pour donner tout l'univers sonore. Mais c'est inexplicable, il faut vraiment venir voir. Il faut venir voir. Ok. Et puis un espace animation dédié aux enfants avec, avec des jeux, des petits travaux manuels pour faire des marque-pages. Voilà. Alors aussi de quoi encadré par des animatrices de la MJC, des bénévoles, de quoi aussi pour les parents les laisser en de bonnes mains le pendant temps qu'eux fassent vont leur petit tour avant de remonter faire le petit tour avec les enfants pour les livres jeunesse. Ok. En fait, votre salon est très intéressant parce qu'il s'adresse à tous les âges, tous les publics, qu'on soit lecteur ou pas. Ou lecteur en devenir. Bah, c'est un peu à l'image de la MJC. J'y dis toujours, à l'heure actuelle, hein, on est le 17 janvier 2023, nos adhérents à la MJC vont de 6 mois à 95 ans. Donc voilà, le salon, c'est pareil, c'est pour le génial. Même public. C'est vraiment super. Et vous faites de l'intergénérationnel sur une journée comme ça, c'est extraordinaire. Alors, pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'il y aura un salon en 2024? Oui. Okay. Est-ce que ce sera sensiblement sur les mêmes dates ou... Oui, alors c'est par contre, la date ne bouge pas. Je pense qu'elle est, c'est un point de repère pour les lecteurs. C'est toujours le premier dimanche de février. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas, ça fera, je pense, le 6 ou le 7. Ouais, ou un 6 truc ou le comme 7, ça. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Donc, on va rappeler, c'est le 9e Salon du Livre de Saint-Nicolas-de-Port qui se déroule à la MJC qui commence... Non, à la salle des fêtes. Pardon, à la salle des fêtes, oh j'ai dit une bêtise, qui commence à 10h et se termine vers 18h, oui. Avec plus de 60 auteurs, le Trocasson, ça j'ai oui. retenu, des animations pour les enfants, vos partenaires libraires et le cercle de lecture de la MJC. C'est ça. Merci beaucoup Catherine d'avoir bien voulu répondre à nos questions et je vous invite tous à vous rendre à ce salon du livre qui, je pense, nous réserve de très belles surprises. Je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon salon à Saint-Nicolas-de-Port. Au revoir. Au revoir, merci.